Frédéric Sigrist, monsieur blockbuster de France Inter. Et comme on dit dans les séries, Previously on Blockbusters, résumé de l'épisode précédent la semaine dernière, vous avez voulu voir le nouveau film de Tom Cruise, Top Gun Maverick. Mais c'était une semaine trop tôt, alors maintenant ça y est, le film est sorti, vous l'avez vu ? Oui Mathilde, je l'ai enfin vu. Mon erreur de la semaine passée était due à l'effervescence du Festival de Cannes, vous savez, cet événement où des stars très riches se remettent des prix pour avoir bien joué les pauvres. Et ils en parlent tellement à la radio en ce moment que j'avais un peu l'impression d'y être, et puis arrivé devant le cinéma, j'ai réalisé que j'étais pas pote avec Yann Barthès, que la place est à 14 euros, que j'avais pas d'accréditation et que j'avais toujours pas fait ma déclaration d'un revenu 2022, bref, que j'avais totalement foiré ma vie. Mais finalement, c'est bon. J'ai vu le tout nouveau clip promotionnel de la marine américaine, Top Gun Maverick. Ah oui, c'est à ce point-là un outil de propagande. Ah bah disons que quand le film est précédé par un spot de la marine française qui invite à s'engager et que t'as l'impression que le spot est plus nuancé que le film qui suit, t'es en droit de te dire que le film est un chouïa pro-militaire. Mais je dois avouer que si on fait abstraction du bilan carbone désastreux de ce film, hein, du scénario turbo-gogol, de l'apologie de l'impérialisme américain, de la masculinité toxique et de l'ego surdimensionné de Tom Cruise, le scientologue qui refuse de devoir vieillir, eh ben vous savez quoi Mathilde ? On a un excellent blockbuster. Oui, enfin, faut fermer les yeux sur beaucoup de choses tout de même. Ah bah oui, bah oui, bah ce film, c'est comme les artichauts, hein. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mangent pas qu'on en fait pas de temps en temps. Et puis, d'expérience, j'ai remarqué que je supportais vachement mieux 2 heures d'avion qui vont dans le ciel que 15 minutes de Marion Cotillard qui fait la tête à Melvin Poupeau parce qu'il y a eu un poney plus gros qu'elle pendant leurs vacances enfin à Arcachon. Ah, je sais qu'il y a des gens sur cette antenne qui adorent, mais moi, ça me fait l'effet d'un 8e rappel de vaccin AstraZeneca. Top Gun Maverick, c'est le dernier représentant d'un type de blockbuster comme on n'en fait plus, c'est-à-dire fait dans des décors naturels, à l'ancienne, sans abuser des fonds verts, avec une mise en scène au cordeau, des acteurs qui s'investissent avec une vraie volonté d'en mettre plein les yeux aux spectateurs, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Alors évidemment, géopolitiquement, il faut surtout pas que Vladimir Poutine voie Top Gun Maverick, parce que sinon on va voir débarquer des chars russes à Quiberon. Ah, dans le film, l'histoire, c'est un état voyou, on sait pas qui c'est, ils disent pas, on sait juste qu'ils ont pas voulu de Burger King sur leur territoire, on construit une centrale qui enrichit de l'uranium et l'OTAN demande à la marine américaine d'aller détruire l'usine, ce qu'ils font. Alors je vous dis, Vladimir, il voit le film, il annexe le monde. Et vous pensez qu'on peut avoir un jour un Top Gun 3 ? Alors honnêtement, Mathilde, j'ai l'impression qu'entre ce film et la bande-annonce du prochain Mission Impossible, Tom Cruise, qui a tout de même 59 ans, est en train de faire le bilan de sa carrière. Et franchement, quelle carrière ! Parce qu'il faut jamais oublier qu'au départ, Tom Cruise, avant Hollywood et ses délires sectaires, c'était un enfant dyslexique, victime de violences de la part de son beau-père. Et dans ce Top Gun, un général, à un moment donné, demande à Maverick pourquoi il est toujours pilote. Avec ses états de service, il pourrait être amiral ou même sénateur. Désormais, l'avenir est aux avions sans pilote. Et la carrière de Maverick, c'est la carrière de Tom Cruise. Avec ses états de service, Tom Cruise devrait être oscarisé depuis longtemps. Récapitulons. La couleur de l'argent de Martin Scorsese, Legend de Ridley Scott, Rain Man de Barry Levinson, Né un 4 juillet d'Oliver Stone, La firme de Sidney Pollack, Entretien avec un vampire de Neil Jordan, Eyes Wide Shut de Kubrick, Collatéral de Michael Mann, Magnolia de Paul Thomas Anderson. Qui peut s'asseoir à la table de Tom Cruise et lui dire les yeux dans les yeux, aucune de ses interprétations ne méritait l'Oscar. Et pourtant, il a jamais rien eu. Alors bien sûr, la scientologie n'est pas étrangère à ce boycott, mais venant d'une institution qui a récompensé Kevin Spacey, les films d'Harvey Weinstein, et tout un tas d'acteurs et d'actrices pro-armes à feu ou chrétiens fondamentalistes ressuscités, ça fait sourire. Depuis plusieurs années, Tom Cruise sauve le monde dans ses films en se mettant toujours plus en danger, en effectuant ses cascades lui-même pour lutter, comme Maverick, son avatar cinématographique, contre les blockbusters sans pilote. Et à la veille d'une retraite inévitable, il se donne complètement au public jusqu'à peut-être un jour la cascade de trop. Et c'est fascinant de voir un acteur courir aussi littéralement derrière la reconnaissance de son public. Et voir ce qui ressemble à un baroud d'honneur me fait dire qu'une bougie ne brûle jamais autant que quand elle est sur le point de s'éteindre. Et ben voilà, donc on peut aller voir Top Gun Maverick hein, si l'on suit les conseils de Frédéric Sigrist. Oui, juste avant qu'il meure dans une cascade terrible. Merci beaucoup.